Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Game Ozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. En ce lundi 21 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Agnès Zaza. Ça vient du grec signifiant chaste pure. Énergique, elle possède une autorité naturelle et une grande force de persuasion. L'indépendance et le besoin de commander sont caractéristiques de leur nature. Néanmoins, elle demeure réservée et secrète et tendent à mettre une certaine distance entre elles et les autres tout en étant au demeurant sociable, à moins qu'il ne s'agisse pour qu'elles se dérident de montrer patte blanche. En fait, elles sont doubles, partagées entre leur désir de plaire, d'être admirées ou respectées et leur besoin de se replier sur elles-mêmes, loin du bruit, afin de réfléchir posément ou pour faire le point. Réfléchies et inquiètes, elles ont conscience que la vie n'est ni un jeu ni un plaisir. C'est sans doute pour cela qu'elles ont besoin du travail pour s'affirmer et se rassurer. Leur puissance d'action est considérable, même si elle est parfois irrégulière à cause de leur émotivité. Mais après avoir trouvé leur voie, elles demeurent stables. Fidèles, loyales, directes et franches, elles ont le sens du devoir, mais leurs principes sont souvent trop rigides. Allez, dicto du jour, il y en a plusieurs. En ce lundi 21 janvier, à la Sainte Agnès, l'hiver sans amour ne progresse. De Sainte Agnès, la douceur ne nous fait pas croire que l'hiver meurt. Froidure d'Agnès n'est que caresse. Jour de Sainte Agnès, jamais trop de froid ne laisse. Bon, on verra tout à l'heure qu'il va faire un petit peu froid quand même aujourd'hui. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est le Blue Monday, le jour le plus triste de l'année. Mais pour se réconforter, eh bien aujourd'hui, c'est également la journée internationale des câlins. Alors voilà, si vous êtes de mauvaise humeur ou un petit peu triste, eh bien faites un petit câlin. Et au Canada, au Québec, c'est le jour du drapeau. Et dans les événements qui se sont déroulés un 21 janvier, en 1840, le navigateur français Jules César Dumont d'Urville posait le pied sur ce qu'il nommera un petit peu plus tard la Terre Adélie, en l'honneur de sa femme Adèle. 1919, proclamation d'indépendance de l'Irlande. Et enfin, en 1921, c'était le premier long métrage de Charlie Chaplin intitulé Le Kid. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Michel Jonas et la boîte de jazz. Prêt pour le bop, hey! Bebop. a dragon, a sun trombone, a microphone, a scarlet desert, Jupiter. Okay! La boîte de jazz Michel Jonas sur RGM, un peu plus de 8h37, on est toujours dans la matinale et on parle anniversaire. Ils sont nés un 21 janvier 1947, naissance de Jill Eikenberry, actrice américaine vue dans la série La Loi de Los Angeles dans le rôle de Anne Kelsey, La Vie Avant Tout, Numbers, New York Police Judiciaire ou encore Body of Proof. C'est également l'année de naissance de Michel Jonas, chanteur, acteur français, vu dans La Doublure, Il a déjà tes yeux, la série L'homme de la situation dans le rôle de Charles, Famille d'accueil, Camping Paradis ou encore Lebowitz contre Lebowitz dans le rôle de Georges Vernier. 1950, naissance de Billy Ocean, chanteur américain. 1956, naissance de Gina Davis, actrice américaine vue dans Beetlejuice dans le rôle de Barbara. Voyageur malgré lui dans le rôle de Muriel Pritchett, récompensé par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Thelma et Louise, Stuart Little 1 et 2 dans le rôle d'Eleanor Little, ou encore dans quelques épisodes de la série télé Grey's Anatomy dans le rôle du docteur Nicole Herman. 1959, naissance de Michael Wincott, acteur canadien, vu dans Le Sicilien dans le rôle de Silvestro Cagno, Robin des Bois, prince des voleurs dans le rôle de Guy de Gisbourne, ou encore Le Scaphandre et le Papillon. 1960, naissance de Pierre Laure, acteur français, vu dans Omar m'a tué, Ne passera-t-on ou encore la saga de l'été Tramontane. 1964, naissance de Philippe Lelièvre, comédien humoriste français, vu à la télé dans Centrale Nuit, Victoire Bonneau, Camping Paradis ou encore La Stagiaire dans le rôle de Bart Meyer. 1970, naissance de Marina Foïs, actrice française, révélée dans les années 90 en tant que membre de la troupe Les Robins des Bois, vu dans Trafic d'influence, La Tour Montparnasse Infernale ainsi que La Tour de Contrôle Infernale dans le rôle de Stéphanie Lanceval, dite Marie-Joël, vue également dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, Un ticket pour l'espace, Le bal des actrices, Le code a changé dans le rôle de Mélanie Carcassonne, Police, Boule et Bill dans le rôle de Karine, la maman, Papa ou Maman 1 et 2 dans le rôle de Florence Leroy et plus récemment dans Le Grand Bain dans le rôle de Claire. 1976, naissance d'Emma Bunton, chanteuse britannique, membre des Spice Girls. 1978, naissance de Sacha Judasco, acteur humoriste français découvert dans l'émission On ne demande qu'à en rire. 1979, naissance d'Élodie Navarre, actrice française vue dans Gomez et Tavares, Jeux d'enfant dans le rôle d'Aurélie Miller, Danse avec lui dans le rôle de Lucie ou encore la série Le Bureau des légendes dans le rôle d'Émilie Duflo. 1981, naissance d'Isabella Mico, actrice polonaise vue dans Le Choc des Titans dans le rôle d'Athéna, Sexy Dance 5 ou encore quelques épisodes de Chicago Fire. 1982, naissance de Nicolas Mahut, joueur de tennis français, professionnel depuis 2000, qui en simple a été 37e mondial en 2014, 8e de finaliste à Wimbledon, 16e de finaliste à l'Open d'Australie, Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open. En double, il a été numéro 1 mondial, c'était en 2016. Il a gagné une fois le tournoi de Roland-Garros, une fois celui de Wimbledon et une fois celui de l'US Open. Il a été une fois finaliste à l'Open d'Australie et en 2017 avec l'équipe de France, il a gagné la Coupe Davis. 1986, naissance de Jonathan Quick, hockeyeur sur glace américain qui évolue au poste de gardien de but pour les Kings de Los Angeles. Médaillé d'argent avec l'équipe nationale des États-Unis lors des JO de 2010. 1996, naissance de Marco Asensio, footballeur espagnol qui de 2013 à 2015 a joué au club de Mallorca. Depuis 2015, il joue au Real Madrid et entre 2015 et 2016, il a été prêté au RCD espagnol. 2001, naissance de Jackson Brundage, acteur américain connu pour son rôle de Jamie Scott dans la série télé Les Frères Scott. En 1793, décédé Louis XVI, dernier roi de France de la période dite de l'Ancien Régime, roi de France et de Navarre de 1774 à 1789, puis roi des Français de 1789 à 1792. En 1795, décédé Samuel Wallis, navigateur britannique, qui a abordé en 1767 au nord-est des Fidji, une île qui est d'ailleurs baptisée en son honneur, Wallis, hein, c'est au sein de Wallis et Futuna. En 1950, décédé George Orwell, romancier et essayiste britannique. Dans ses œuvres principales, nous pouvons citer Hommage à la Catalogne, La ferme des animaux ou encore 1984. En 1998, décédé Jack Lord, acteur américain, connu pour son rôle de Félix Leiter dans James Bond 007 contre Dr. No et son rôle de Steve McGarrett dans la série télé Hawaii Police d'État. Et en 2016, décédé décédé Marc Cassot, comédien français spécialisé dans le doublage, qui a notamment été la voix française de l'acteur Paul Newman. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec Billy Ocean et le titre notamment pour lequel il est connu, c'est... qu'est-ce que j'ai choisi ? Je ne suis plus African Queen. Sur le 107 FM, il est un petit peu plus de 8h46 et bien on parle maintenant météo. La météo. Alors, ce matin, c'est nuageux, mais les nuages vont se disperser et on va passer la journée sous le soleil. Des températures comprises entre moins 3 et moins 2 degrés ce matin, entre 0 et 2 petits degrés pour cet après-midi. Mardi sera encore une journée ensoleillée. Des températures comprises entre moins 5 et moins 4 degrés le matin, entre 0 et 1 degré prévu pour demain après-midi. Et pour mercredi, des flocons de neige sont à prévoir. Des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré le matin et entre 1 et 2 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on passe tout de suite à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer cette actualité avec du handball, messieurs, et le mondial. Et dans ce tour principal, eh bien, c'est deux matchs et deux victoires pour l'équipe de France qui a d'abord battu l'Espagne 33 à 30. Et hier soir, la France a battu l'Islande 31 à 22. Et hier soir, le meilleur joueur du match est Vincent Gérard. L'équipe de France qui a fait un grand pas pour les demi-finales, mais ce n'est encore pas gagné. Il faudra mercredi affronter la Croatie. Un mot de football maintenant avec les résultats de la Ligue 1 où Lille s'est imposé 2 buts à 1 face à Amiens. Le PSG s'est imposé 9 à 0 face à Guingamp. Strasbourg s'est imposé 5 buts à 1 à Monaco. Toulouse s'est imposé 1 but à 0 sur la pelouse de Nîmes. Reims et Nice ont fait match nul 1 partout. Rennes et Montpellier ont fait match nul 0 partout. Angers s'est imposé 1 but à 0 face à Nantes. Marseille s'est imposé 1 but à 0 à Caen. Bordeaux s'est imposé 1 but à 0 face à Dijon et l'Olympique lyonnais s'est imposé hier soir sur la pelouse de Saint-Étienne dans le derby 2 buts à 1, le deuxième but inscrit à la dernière minute du temps additionnel. En Ligue 2, défaite de Nancy à Lens sur le score de 2 à 1 et Metz s'est incliné à domicile face à Clermont sur le score de 2 à 1 également. Un mot de football féminin avec un match amical où l'équipe de France a battu les championnes du monde en titre, les États-Unis 3 buts à 1. Un mot de basket avec la Pro B, la victoire de Nancy face à Poitiers 76 à 73. En National 1, défaite du Jet Vosges face à Souffel-Weyersheim 70 à 86. Et en National 3, victoire de Mirecourt à Grisoberhofen 68 à 84. Un mot de hockey sur glace avec le résultat de la D3 où Épinal s'est imposé à Fontenay sur le score de 26 à 0. Les Spinaliens toujours invaincus. Un mot de ski alpin maintenant avec la manche de Coupe du Monde en Suisse hier qui a été, dont le slalom a été remporté par le Vosgien Clément Noël. En ski cross, la victoire de Jean-Frédéric Chapuis. Un mot de cyclocross avec la manche de Coupe du Monde à Pau-Château où Steve Chenel a terminé 28e. Un mot de sport automobile où Mike Schumacher, fils de Michael Schumacher, eh bien on a appris qu'il allait rejoindre l'Académie de la Scuderia. Il pilotera en Formula 2 Championship cette saison. Un mot de biathlon maintenant avec l'étape à Ruhpolding. Le relais messieurs a été remporté par la Norvège devant l'Allemagne et la France 3e avec 9 pioches. Trop pour espérer une meilleure place. Le relais féminin a été remporté par la France avec seulement 4 pioches devant la Norvège et l'Allemagne. Et les Françaises, si elles ont brillé sur le relais, eh bien malheureusement elles n'ont pas brillé sur la Mastart hier après-midi. Cette Mastart a été remportée par l'Allemande Preuss devant la Norvégienne Tandrevold et devant Fialkova. La meilleure Française, c'est Anaïs Bescon qui termine à la 9e place. Julia Simon, elle, termine 16e. 21e place pour Justine Brezaz et 29e place avant-dernière pour Anaïs Chevalier. La dernière, c'était Laura Dallmayr. Et la Mastart, messieurs, a vu une nouvelle fois la victoire de Johannes Bö devant Julian Eberhardt et devant Quentin Fillon-Maillet qui termine 3e. Martin Fourcade, lui, termine 4e. Simon Détieu termine 6e. Émilien Jacquelin termine 19e. Et Antonin Guigonat termine 26e. Martin Fourcade qui a déclaré que les sensations n'étaient pas trop mal lors de cette Mastart. On pouvait peut-être penser qu'il allait faire l'impasse sur l'étape d'Antos Anterserva, c'est pas facile à dire, la semaine prochaine. Il n'en est rien, il sera bien en Italie. Martin Fourcade qui va par contre marquer une petite pause. D'habitude, il s'entraîne pendant les jours avant les prochaines étapes, mais là, il va marquer du repos. En revanche, Martin Fourcade devrait faire l'impasse sur les étapes nord-américaines, mais rien n'est encore acté définitivement. On en saura plus justement après l'étape de cette fin de mois de janvier. Et en IBE, BU Cup. Le sprint a été remporté par Aristide Beg. Fabien Claude lui avait terminé 16e. Et la poursuite, Aristide Beg avait terminé 2e derrière le russe Babikov. Fabien Claude lui termine 15e. Et on termine cette actu avec l'Open d'Australie. Que s'est-il passé depuis vendredi? Eh bien, il n'y a plus de Françaises en compétition puisque vendredi, Caroline Garcia a été éliminée. Samedi, on a vu les éliminations de Venus Williams ou encore de Mertens, tête de série numéro 12. Hier, l'élimination de Kerber, tête de série numéro 2, qui s'est inclinée en 2-7, 6-0, 6-2 face à Collins. On a vu également l'élimination de Sloane Stephens, tête de série numéro 5, qui s'est inclinée en 3-7 face à Pavlyuchenkova. Et également l'élimination de Maria Sharapova. Aujourd'hui, Osaka s'est imposée en 3-7 face à Sevastova. Svitolina s'est imposée en 3-7 face à Keys. Et Pliskova s'est imposée en 2-7 face à Muguruza. Dans quelques minutes, à 9h, normalement, ce sera le début du match de Simona Halep face à Serena Williams. Côté messieurs, samedi, on a vu l'élimination de Pierre Hugerbert qui s'est incliné face à Raonic. On a vu également les éliminations de Goffin ou encore de Fonini. Et hier, on a vu l'élimination de Roger Federer en 4-7 face au grec Tsitsipas. Roger Federer qui a d'ailleurs annoncé en conférence de presse qu'il participera à Roland-Garros. Alors ça, c'est une très belle information pour les fans de Roger Federer, lui qui n'avait pas participé au tournoi depuis 2015. Marin Cilic s'est incliné en 5-7 face à Bautista Agut. Et Dimitrov s'est incliné en 4-7 face à la petite surprise de ce tournoi, à Tiafoe. Et lui, Rafael Nadal, est bien se qualifié en 3-7 face à Tomas Berdych, très, très facilement d'ailleurs. Aujourd'hui, Raonic a battu en 3-7, 6-1, 6-1, 7-6 Alexander Zverev. En ce moment même, Lucas Pouille est en train d'affronter Coric. Le Français a perdu le premier set 7-6. Il a remporté il y a quelques instants le deuxième set 6-4. Et pour l'instant, il y a 2-1 dans le troisième set pour Coric. Mais service à suivre pour le Français. Et il y a également en ce moment Karen Obusta face à Nishikori. Il y a 3 partout dans le premier set. Et un petit peu plus tard, on aura le match de Novak Djokovic face à Medvedev. Voilà pour l'actu. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec eh bien, les Spice Girls. On va retourner dans les années 90 avec le titre Wannabe. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting. She got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's the real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Wanna be les Spice Girls sur RGM. Il est un peu plus de 8h57 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir avant de se quitter. On fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h à l'écoute des jeunes avec Cassandra. 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien. 15h, rediffusion de Salut les 60 avec Gérard. 18h, Maud Lubeck qui présente son album Divine. À 20h, le calendrier de François. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.